50 languages. 84. 84. صيغة الماضي رقم 4. Passé 4. Passé 4. يقرأ. Lire. Lire. لقد قرأت. J'ai lu. J'ai lu. لقد قرأت الرواية بكاملها. J'ai lu tout le roman. J'ai lu tout le roman. يفهم. Comprendre. Comprendre. لقد فهمت. J'ai compris. J'ai compris. لقد فهمت النص بكامله. J'ai compris tout le texte. J'ai compris tout le texte. يجيب. Répondre. Répondre. لقد أجبت. J'ai répondu. J'ai répondu. لقد أجبت على جميع الأسئلة. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. أعلم ذلك. لقد علمت ذلك. Je le sais, je l'ai su. Je le sais, je l'ai su. أكتب ذلك. لقد كتبت ذلك. Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'écris, je l'ai écrit. أسمع ذلك. لقد سمعت ذلك. Je l'entends, je l'ai entendu. Je l'entends, je l'ai entendu. أحضر ذلك. لقد أحضرت ذلك. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. أجلب ذلك. لقد جلبت ذلك. Je l'apporte. Je l'ai apporté. Je l'apporte. Je l'ai apporté. أشتري ذلك. لقد اشتريت ذلك. Je l'achète. Je l'ai acheté. Je l'achète. Je l'ai acheté. أتوقع ذلك. لقد توقعت ذلك. Je l'attends. Je l'ai attendu. Je l'attends. Je l'ai attendu. أشرح ذلك. لقد شرحت ذلك. Je l'explique. Je l'ai expliqué. Je l'explique. Je l'ai expliqué. أعرف ذلك. لقد عرفت ذلك. Je le connais. Je l'ai connu. Je le connais. Je l'ai connu. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.